j'ai décidé qu'il fallait retrouver, à partir de vendredi, le confinement qui a stoppé le virus. C'est le 33e jour du confinement, courage, c'est bientôt fini. En attendant, si vous avez besoin d'un film à regarder aujourd'hui, je vous conseille Inside Use de James Wan. It's not the house that's haunted. It's your son. Inside Use, c'est l'histoire d'une famille qui va emménager dans une nouvelle maison, comme des millions chaque jour finalement, et qui va, son quotidien va être bouleversé parce que un des fils va mystérieusement tomber dans le coma. Enfin, c'est un coma en fait, c'est comme s'il était dans le coma mais il n'a pas les caractéristiques de quelqu'un qui est dans le coma, c'est un coma, pas vraiment coma, c'est un peu chelou. Et donc c'est exactement ce que vont leur dire les gens à l'hôpital. Et donc ils sont contraints de ramener leur fils chez eux sans vraiment de solution à ce problème parce que à l'hôpital ils peuvent pas tellement faire grand chose. Et à partir du moment où ils vont ramener leur fils chez eux, il va se passer des trucs extrêmement louches et flippants dans la maison. Genre on entend crier dans le babyphone, on monte en courant mais quand on arrive dans la chambre y a personne. Voilà, petit exemple. Ou alors il y a des mecs qui ont la gueule peinte en blanche qui te courent dessus. C'est un exemple comme un autre. Alors, vous l'aurez peut-être entendu dans la bande d'annonce et vous l'aurez peut-être compris en écoutant le synopsis, Inside Use, c'est un film qui prend des codes du cinéma d'horreur et qui va les mettre à sa façon. C'est-à-dire que on n'a pas le cliché de une famille déménage, la maison est tentée. C'est pas le cas dans le film. On s'en rend vite compte quand ils choisissent de revenir dans leur ancienne maison. Et ils s'aperçoivent qu'en fait les monstres, ce qu'il y a pendant que le gosse est dans le coma, les présences, sont toujours là malgré le changement de maison. Donc voilà, c'est pas le classique, une famille qui arrive dans une maison, cette maison est hantée, ils en chient. Là, c'est pas vraiment la maison qui est hantée. Et James Wan, alors pour ceux qui le connaissent pas, c'est celui qui a fait Saw. C'est celui qui a fait Conjuring 1 et 2, un peu plus, moins horrifique, c'est celui qui a fait Fast and Furious 7, c'est celui qui a fait Aquaman. D'ailleurs, je sais toujours pas ce qu'il a été foutre faire Aquaman, vraiment, je ne comprends toujours pas James Wan, j'attends une explication. Et tout simplement, James Wan, c'est quelqu'un qui a un cinéma qui fonctionne énormément avec les jumpscares. Alors c'est pas du jumpscare putassier où vous allez avoir une grosse image en gros plan avec une musique très très forte qui va vous faire sursauter. Non, là c'est des jumpscares vraiment très très bien mis en scène, vraiment magnifiquement bien mis en scène, qui vont changer des jumpscares qu'on peut avoir l'habitude de voir. Pas du tout putassier, vraiment, genre c'est super bien amené et c'est plaisant, c'est vraiment vraiment vraiment plaisant. Des jumpscares comme ça. Moi je trouve ça, j'aime pas. Quand il y a trop de jumpscares entre guillemets putassiers, je n'aime pas. Vraiment, c'est quelque chose qui ne me plaît pas. Que je n'aime pas tout simplement. Je trouve ça totalement gratuit et révolu. Et c'est plus agaçant qu'autre chose en fait. Voilà. Mais en tout cas, James Wan, il arrive à utiliser ce genre de jumpscare et à en faire quelque chose qu'on n'a pas tellement l'habitude de voir et quelque chose qui prouve tout son talent parce que c'est vraiment des purs effets de mise en scène. Ce qu'il va faire, c'est très très fort. Alors, si vous n'avez pas vu ce film, c'est flippant. Ça fait peur. Ça fait très très peur. Vous allez avoir peur de Dark Maul. Voilà, c'est pas une vanne. Vous allez avoir peur de Dark Maul. Je vous le dis parce qu'il y a un monstre qui est dans le film qui ressemble comme deux gouttes d'eau à Dark Maul, donc vous allez flipper. Maintenant, voyons Dark Maul à cause d'Inside Use. Il y a une photographie, faut dire aussi un peu ce qu'on pense, objectivement. Je ne suis vraiment, vraiment, vraiment pas fan de la photo. Après, c'est pas tellement pour ce film, c'est en général, moi, quand on a des photos un peu ternes qui vont tout simplement pas faire ressortir des couleurs qui vont paraître un peu froides. C'est des trucs que je vais pas aimer en général. Après, je dis pas qu'elle est mauvaise. Je trouve qu'elle sert bien l'ambiance du film. Mais moi, c'est pas quelque chose qui me plaît tout simplement. Ensuite, très important pour un film d'horreur, mais la BO. La BO, absolument terrifiante. Vraiment, je... Ah, Il y a des chances que vous l'ayez déjà entendu parce que ça a été vachement repris. Cette BO, genre, je sais pas si certains d'entre vous regardent des vidéos Thread Horror de Squeezie, bah, il reprend des sons qu'il y a dans Insidious. C'est vachement flippant. Ça me met très mal à l'aise. Moi, si dans un film d'horreur, une BO arrive à me mettre mal à l'aise, à me faire flipper, c'est gagné. Généralement, c'est gagné. On avait le cas aussi avec Us, que j'ai déjà présenté. Vraiment, c'est super important pour moi la BO. Et là, c'est parfaitement bien géré. C'est formidable. C'est quelque chose qui va vous mettre dans l'ambiance totalement, qui va bien être accordé avec la mise en scène. Donc franchement, la BO, rien à dire. Franchement, ça sert à rien que je m'éternise sur ce film parce que c'est le genre de film où moins vous en savez, plus mieux c'est. Voilà. En général, moi je préconise ça pour tous les films. C'est-à-dire que pour moi, moins on en sait d'un film, mieux c'est. Bon, après ça dépend. Il y a des cas à part comme, bah, je sais pas, comme le cinéma de Gaspar Noé. Il faut quand même, voilà, mettre des petits préalables, prévenir de la violence. Enfin bref, un exemple comme un autre. Non, franchement, si vous cherchez un film d'horreur assez flippant et bien mis en scène, qui va jouer avec des codes qui sont déjà existants, mais en se les réappropriant à sa sauce, et bah, Inside Juice, c'est exactement ça. Voilà. Si vous l'avez jamais vu en vous disant peut-être que ça fait un peu peur quand même. Et bah oui, ça fait peur, mais il faut le voir parce que c'est formidable. Alors à noter que je n'ai pas vu encore le chapitre 2, mais sans spoiler, quand on voit la fin du 1, ça se voit que ça a été prévu pour faire en deux parties. Après, c'est autre chose. Voilà. Surtout que bah on retrouve James Wan à la réalisation du chapitre 2, ce qui n'est pas le cas pour les suites d'après. Le film est très facilement trouvable puisque vous pouvez l'avoir sur Prime Video ou sinon vous pouvez l'avoir à la location sur Google Play, Orange, YouTube, Filmo TV, Canal VOD, Bbox VOD, Rakuten TV, Apple TV ou alors à l'achat sur Google Play, Orange VOD, YouTube, Canal VOD, Apple TV, Filmo TV et Rakuten TV. Voilà, alors je sais que quand je conseille de l'horreur, ça plaît pas à tout le monde parce que forcément, bah, quand ça fait peur, bah, c'est un genre qui exclut parce que bah, tout le monde n'aime pas forcément avoir peur. Donc, j'espère vous avoir convaincu de voir ce film si vous ne l'avez pas vu. Et si ce n'est pas le cas, on se retrouve demain pour une autre recommandation.